silence, mais dans l'indifférence de tes sentiments, tu ne m'as pas vu. Non, tu ne m'as pas vu. J'ai marché dans ton ombre, seul au milieu du nombre de tes courtisans, mais tu ne m'as pas vu. Oh, tu ne m'as pas vu, pas vu, pas vu toute ma vie. Courir après tes grâces, crépuscule sanguinaire, fatigué pour l'ultime. Je voulais t'approcher, être de ta légende. Tu ne m'as pas vu. Tu ne m'as pas vu. Pourtant je me suis battu et jamais avoué vaincu. Ma fierté en offrande, mais tu ne l'as pas vu. Non, tu ne l'as pas vu, pas vu, pas vu toute ma vie. Courir après tes grâces, crépuscule sanguinaire, fatigué pour l'ultime. Un instant dans ton regard, tu ne me vois pas. Non, tu ne me vois pas. Puisque seule la rébellion peut allumer ta passion, je vais briser ton histoire. Tu ne me crois pas. Non, tu ne me crois pas. Sanguinaire.